personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole France de l'eau. Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le cours que Mireille Delmas-Marty consacre cette année aux forces imaginantes du droit, le pluralisme ordonné, est scandé en trois parties. Les processus de mise en ordre, puis les niveaux d'organisation, et à partir de ce matin, nous aborderons les vitesses d'évolution. Si chaque pays a ses propres normes, sa propre histoire et ses coutumes, qu'il faut articuler et harmoniser au droit régional et international avec rigueur, mais aussi avec souplesse, il est souhaitable de respecter un tempo différent d'organisation et de régulation. Mireille Delmas-Marty rappelle par exemple que la Chine accède à l'Organisation mondiale du commerce en 2001 et que, pour la Chine, comme pour tous les pays partout dans le monde, on pourrait tenter de synchroniser, de façon pluraliste et pour l'intérêt commun, les droits du commerce et les droits de l'homme, au lieu de les voir s'opposer sans cesse et de faire disparaître les droits de l'homme au profit des droits du commerce. Il s'agit donc ce matin pour Mireille Delmas-Marty de penser l'harmonisation du droit tout en respectant les rythmes de chaque pays. Je voudrais introduire une question qui peut sembler un peu insolite, qui est la question des vitesses. Question des vitesses. Alors là, on peut évoquer un auteur qui a beaucoup réfléchi sur les vitesses, c'est Paul Virilio, qui dit « la vitesse, c'est le pouvoir même ». Et là, cette formule qui dit « pouvoir » dit avant tout « pouvoir dromocratique ».« Dromos » vient du grec et veut dire « course ». Et il dit « toute société est une société de course ». Alors, il me semble que c'est une idée intéressante, car c'est bien à des sorte de course de vitesse que nous assistons entre les ensembles normatifs nationaux et internationaux, voire entre tel ou tel secteur du droit national, régional ou mondial. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les écarts de vitesse. Les écarts de vitesse, c'est-à-dire le fait que les rythmes sont différents. Des auteurs plus anciens, comme Vico, par exemple, qui écrit au XVIIIe siècle sur la nature commune des nations, avaient déjà repéré que même s'il y a une nature commune des nations, les vitesses, les rythmes ne sont pas les mêmes. Il arrivait à cette idée que isomorphisme ne veut pas dire synchronie. Et on le voit encore plus nettement à l'heure actuelle, car les rythmes participent à ce que j'ai essayé de décrire cette année pendant le cours, les ajustements et réajustements, ce bricolage juridique qui se met en place. L'ajustement, au sens littéral, l'ajustement vers plus de justice et vers plus de justesse, est alors la recherche non pas du temps perdu, mais la recherche du temps opportun, kairos en grec, au sens littéral d'ailleurs de ce mot, c'est mélange. Autrement dit, le pluralisme ordonné, c'est aussi l'art de mélanger les rythmes et de combiner au plus juste, ajusté, les vitesses aux énergies et aux inerties propres à chaque société. Au fond, de même que l'espace normatif mondial n'a pas supprimé l'espace national, ni empêché l'apparition d'espaces régionaux, on peut dire que le temps mondial n'a pas supprimé le temps historique, ni celui des États, ni celui des régions. Ce que l'on peut observer, c'est que si l'évolution est trop lente, elle s'enlise, et en perdant la course, l'ensemble normatif concerné perd son autonomie normative. C'est ainsi qu'on peut se demander si un enlisement du projet européen ne risque pas d'aboutir à transférer une partie des choix à l'échelle mondiale. Mais en même temps, si l'évolution est trop rapide, elle crée des effets de distorsion, non seulement en termes de concurrence sur un même marché, mais plus gravement en termes de scission entre les différents secteurs de l'activité humaine et sociale. Je veux dire par là, par exemple, et j'y reviendrai, que le droit du commerce ne saurait durablement distancier le droit de l'environnement, le droit de la santé, le droit du travail, ou plus largement, le droit des droits de l'homme, sans détruire l'équilibre d'ensemble. Alors, il ne faut pas oublier que la sagesse se dit aussi tempérance. Et c'est au fond un art de combiner des rythmes différents en une harmonie commune que je voudrais développer ici, en repérant, toujours du point de vue juridique, les principaux instruments qui permettent de freiner ou d'accélérer les évolutions et les transformations. À cet égard, Virilio a une image audacieuse. Quand j'en ai parlé à mes collègues égyptologues, ils étaient absolument horrifiés parce qu'il réinterprète très librement la figure du pharaon Toutankhamon, auquel il attribue dans une main le fouet, alors que dans l'analyse traditionnelle, c'est le chasse-mouche qui n'a pas du tout la même fonction, mais lui, il voit dans une main le fouet pour accélérer le char de combat et dans l'autre, le crochet pour le freiner. Quoi qu'il en soit de l'exactitude de la comparaison avec Toutankhamon, ce que je retiens de cette image, c'est qu'au fond, il s'agit de trouver les freins et les accélérateurs les mieux adaptés au char de nos sociétés. Et ce serait en tout cas cela, la sagesse du bon gouvernement. D'ailleurs, si on regarde dans l'allégorie du Palazzo Pubblico de Sienne, on voit que la tempérance, quand il s'agit de l'allégorie du bon gouvernement, la tempérance se trouve assise à côté de la justice. Justice et tempérance, la vallée de pair. Ceci m'amène à observer que la période contemporaine n'est donc pas seulement caractérisée par une accélération du temps juridique, c'est un thème auquel les juristes se sont déjà attachés. Dans chaque espace normatif, il y a en effet une accélération du temps juridique. Il y a aussi ce que nous avions vu l'année dernière dans le cours sur Internet, ce couple étrange qui associe l'espace virtuel d'Internet avec le temps réel, le parcours en temps réel. Mais peut-être que le phénomène majeur tient plutôt, ou en tout cas autant, aux écarts de vitesse d'un espace à l'autre. Alors, tant que le droit résiste à l'internationalisation, on peut dire peu importe, ces écarts font partie de la diversité même des peuples et de leur système de droit. Mais à mesure que les interdépendances de fait imposent des interactions, c'est tout ce que nous avons étudié au début cette année, interactions normatives et juridictionnelles de plus en plus nombreuses, alors ces écarts entraînent des effets pervers. Host parle de dyschronie, dont la prise en compte devrait conditionner toute mise en ordre. Et c'est un peu ce qui commande la construction de ce troisième chapitre. D'abord, je voudrais, en réponse à cette asynchronie d'un espace à l'autre, montrer que le pluralisme ordonné appellerait à un art, peut-être moins de la concordance des temps juridiques, l'uniformisation serait sans doute réductrice, mais du moins de la synchronisation, au sens de mise en compatibilité ou de mise en harmonie des rythmes. Mais cette synchronisation doit tenter de rester pluraliste, puisque c'est l'objectif de l'approche que j'ai choisie. Alors ça m'amène à une deuxième piste, c'est l'usage dans un même espace juridique de vitesses variables selon les États. Donc dans le premier cas, on a plusieurs espaces et plusieurs vitesses. Dans le deuxième cas, on a un seul espace, mais plusieurs vitesses. Et cette polychronie pourrait être un des moyens de faciliter la synchronisation. Au fond, on retrouve cette idée du pluralisme ordonné qui se fonde largement sur la notion de marge nationale d'appréciation. Bien, la marge introduit non seulement des variations dans l'espace, mais appelle peut-être aussi des variations dans les rythmes de transformation, pour éviter d'imposer à tous les États le même rythme ou le même tempo. Par conséquent, dans ce chapitre, Nous allons successivement parler de l'asynchronie puis de la polychronie, l'objectif étant chaque fois de rechercher les conditions d'une synchronisation qui serait pluraliste. Alors, j'aborde donc pour aujourd'hui la question que j'ai appelée asynchronie, c'est-à-dire la question des vitesses et des écarts de vitesse d'un espace à l'autre. Question difficile à saisir parce que les échelles de temps sont elles-mêmes variables. Dans le livre qu'il a publié il y a quelques années sur l'Europe, mon collègue Gérard Soulier, Europe, Histoire, Civilisation, Institution, évoque la grammaire des civilisations de Braudel. Le temps rapide des événements, le temps allongé des épisodes, le temps ralenti des civilisations. Et lui-même, dans sa présentation de l'Europe, distingue comme des échelles de temps différentes le temps des fondations, le temps de l'organisation. Alors c'est un peu dans cet esprit que je voudrais travailler sur l'asynchronie, en notant que les échelles de temps varient d'abord selon les niveaux d'organisation. Récemment encore, vous savez que le protocole de Kyoto vient d'entrer en vigueur, il y avait eu tout un numéro du Monde le 16 février 2005 à ce sujet, et un commentateur avait relevé que les grandes entreprises américaines, soumises à la fois au droit américain et au droit mondial, droit américain qui n'a pas intégré le protocole et le droit mondial qui l'a largement intégré, qui va l'intégrer, les entreprises seraient favorables à la ratification car leur champ d'intervention n'est pas les États-Unis mais le monde. Et le commentateur dit ceci littéralement, elles ne peuvent pas gérer un système à deux vitesses, se comporter d'une façon aux États-Unis et d'une autre ailleurs. Autrement dit, l'interdépendance est si forte que l'asynchronie avec une vitesse au niveau national et une autre vitesse au niveau mondial crée des dysfonctionnements qui, dans certains cas, peuvent être graves. D'autant que les vitesses varient aussi d'un secteur à l'autre du droit. Et si on poursuit le raisonnement, le problème des entreprises, c'est que le rythme des transformations n'est pas non plus synchronisé entre le droit de l'environnement et le droit du commerce. Alors, une fois cadré ce phénomène de la pluralité des échelles de temps, je pense qu'il sera utile de l'illustrer, comme j'ai fait chaque fois cette année, d'un exemple, qui d'ailleurs est très présent dans tout ce qui a précédé les développements de mes cours. L'exemple, ce sera la course de vitesse entre le droit du commerce et le droit des droits de l'homme. Cet exemple nous permettant, à la fin, d'essayer d'esquisser donc les conditions d'une synchronisation qui serait pluraliste. Et pour commencer, donc les échelles de temps, et plus précisément d'abord les échelles qui mesurent les écarts entre les niveaux d'organisation des espaces normatifs. Au fond, les écarts entre ce qu'on pourrait appeler le tempo national, régional ou mondial. Tout à fait par hasard, il se trouve que j'ai relu il n'y a pas très longtemps le Gai Savoir de Nietzsche et je suis tombée sur un passage sur le tempo que j'ai trouvé tout à fait intéressant face aux questions que je me pose moi-même. Nietzsche, dans le Gai Savoir, dit « Le tempo a autant d'importance », écrit en 1882, hein, plus de 100 ans, « Le tempo a autant d'importance dans les forces de développement des peuples qu'en musique ». Et il ajoute, c'est très subtil, que l'humanité a à la fois besoin d'un tempo lent, cette imitation de la tortue que l'on reconnaît pour la norme, et d'un tempo rapide, celui de la gaieté, que Nietzsche attribue aux esprits impatients, aux artistes, aux poètes et aux déserteurs. Mais en même temps, il met en garde l'irruption de ce tempo rapide, des imaginatifs, disons, et le pire danger, si l'exception devient alors la règle. Et il ajoute, la règle doit rester la lenteur, et ce que Nietzsche nomme la bêtise vertueuse. La bêtise vertueuse. On a besoin de ceux qui battent imperturbablement la mesure de l'esprit lent pour que les croyants de la grande croyance générale demeurent ensemble et continuent à danser leur danse. Alors, si on suit Nietzsche, il n'est pas sûr que la danse puisse continuer longtemps, car il n'est pas sûr que la règle reste la lenteur. Il l'avait d'ailleurs pressenti déjà, en 1882 donc, quand il écrivait « L'image des choses se déplace et se modifie, et ce peut-être plus et plus vite à partir de maintenant que jamais auparavant, que dirait-il aujourd'hui ?» Aujourd'hui, ou alors dans le champ juridique, Le constat s'est non seulement confirmé, mais complexifié, car tout se passe comme si, d'un niveau à l'autre, on se repassait un peu la balle. Pour tenter de surmonter les blocages, et je vais me contenter de rappeler plusieurs illustrations que nous avons rencontrées de ce phénomène, notamment l'année dernière, quand on a travaillé sur le relativisme face à la globalisation. On avait travaillé sur l'exemple de la corruption. Et nous avions vu que l'internationalisation, c'est-à-dire l'extension de la règle pénale interne à des faits commis à l'étranger, était partie du niveau national, puisque le mouvement est amorcé en réponse au scandale de l'affaire Lockheed par une loi américaine de 1977, Foreign Corrupt Practices Act. Mais cette loi n'avait aucune chance d'entraîner l'adoption spontanée de dispositifs analogues dans chaque système national. Ce qui fait que pour éviter des effets négatifs pour les entreprises américaines d'une loi qui élargissait en fait la répression, il aurait fallu que l'extension soit imposée au niveau mondial. D'où la pression des États-Unis sur l'ONU en faveur d'une convention mondiale sur la corruption des fonctionnaires étrangers. C'est le projet des années 70. Mais ce projet, finalement, est bloqué. En 1979, on l'abandonne. Il est bloqué par les inerties, à la fois d'ailleurs des pays développés et des pays en développement pour des raisons diverses. Le mouvement sera donc relancé ailleurs, sur un autre niveau normatif. Il sera relancé à l'OCDE, niveau pas tout à fait mondial quand même, mais toujours sur initiative américaine. Et on aboutit à la recommandation de 94, mais une recommandation, c'est pas très contraignant, ça l'est même pas du tout. Donc en réalité, pour renforcer l'impact de la recommandation, c'est le niveau régional qui entre dans le jeu ou dans la danse, avec la convention interaméricaine, puis la convention européenne, 94-97, puis le Conseil de l'Europe, l'Afrique. Et finalement, on va arriver à passer au niveau de l'OCDE, on revient au niveau de l'OCDE, d'une recommandation à une convention, donc un instrument plus contraignant. Et puis, tout au bout de la course, il deviendra possible en 2003, il aura fallu 30 ans à peu près, il deviendra possible d'adopter une convention mondiale contre la corruption, c'est la convention de Mérida. Donc on voit bien comment les dynamiques nationales, régionales, quasi-mondiales et mondiales ont fonctionné de façon complémentaire, un peu au sens indiqué par Bergson dans le passage que j'ai cité, c'est-à-dire de façon à maintenir et à perfectionner le fonctionnement dans des conditions plus compliquées. Plus compliquées et apparemment chaotiques. Alors il y a un deuxième exemple sur lequel nous avions travaillé aussi l'année dernière, ce sont les évolutions en matière de lutte contre le terrorisme. Là, les dynamiques ou le mouvement est très chaotique. Il y avait eu le projet élaboré par la Société des Nations, donc à l'échelle mondiale en 1937, mais ce projet avait été bloqué en fait par la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Et par ailleurs, l'internationalisation de la lutte contre le terrorisme s'est heurtée pendant longtemps aux résistances nationales, au relativisme national d'un concept qui garde une parenté avec les atteintes à la sûreté de l'État, donc quelque chose de fortement national. Ce qui fait qu'à l'échelle mondiale, l'internationalisation s'est faite très lentement et pour des formes spécifiques. L'entraide avait progressé, mais il était toujours impossible de s'entendre sur une définition commune du terrorisme, ce qui fait qu'on n'a pas inscrit le terrorisme dans la compétence de la Cour pénale internationale. Et même à l'échelle européenne, donc régionale, les conventions réservaient la clause dite française qui permet le refus de la demande quand elle est à caractère politique. Tout ça, nous l'avions étudié l'année dernière en détail. Finalement, il a fallu attendre le choc du 11 septembre et les résolutions de l'ONU de septembre et octobre 2001 pour que, au niveau régional notamment, les choses se débloquent, avec l'adoption des deux décisions cadres de 2002 sur le terrorisme et sur le mandat d'arrêt européen, et avec une large internationalisation de la répression, avec retour aux conventions de l'ONU sur le financement. Là aussi, on voit comment les divers dispositifs nationaux, internationaux, régionaux et mondiaux deviennent complémentaires et semblent converger maintenant pour arriver à cette définition mondiale qui est proposée, qui a été proposée tout récemment par le secrétaire général de l'ONU dans son rapport de mars dernier. Alors, cela étant, l'exemple du terrorisme amène aussi à réfléchir sur le tempo rapide lié à la globalisation, car au fond, c'est parce que le terrorisme est devenu global qu'il y a cette accélération, mais en même temps sur le tempo lent des principes relatifs aux droits de l'homme, car le durcissement de la répression contre le terrorisme pose de sérieux problèmes en termes de droits de l'homme. Comme si certains secteurs résistaient plus ou davantage que d'autres au phénomène d'accélération du temps. Alors, si on regarde les échelles de temps et les secteurs de régulation, en fait, on peut être amené à poser la question, j'avais envie de poser la question dans ces termes-là, je l'ai un peu nuancé ensuite, mais au départ, est-ce qu'il existerait un tempo de l'universalisme et un tempo de la globalisation ? Intuitivement, on a le sentiment que l'universalisme juridique progresse lentement. Il est favorisé par les grands moments de crise, la Seconde Guerre mondiale, le conflit yougoslavien au Rwanda, le conflit au Soudan tout récemment. Mais on a l'impression que chaque fois il est freiné, voire bloqué par les souverainetés nationales. En revanche, la globalisation économique se développe de façon plus continue et accélérée, parce qu'elle est facilitée par les nouvelles technologies, par les flux immatériels qui abolissent les frontières. Et depuis la fin de la guerre froide, elle semble progresser sans provoquer la résistance des États. C'est la grande différence avec l'universalisme. Au contraire, il y a même une sorte d'empressement des États à adopter le système juridique le plus attractif, à être le premier ou le meilleur sur le marché des droits, et à conclure des accords, par exemple, en matière d'investissement. J'en ai parlé la semaine dernière. Pourtant, s'en tenir à cette opposition entre le tempo lent de l'universalisme et le tempo rapide de la globalisation, c'est quand même un peu caricatural. D'abord parce que les secteurs du droit ne se laissent pas facilement enfermer dans une catégorie ou une autre. Le terrorisme, il est global, mais on peut aussi considérer que certaines formes de terrorisme global constituent un crime contre l'humanité, donc à ce moment-là, on est dans le domaine de l'universalisme. De même, le droit de l'environnement. À l'heure actuelle, on a tendance à dire que s'il existait un hit-parade des traités multilatéraux, c'est sans doute le protocole de Kyoto qui serait en tête pour sa vitesse d'évolution. Parce qu'entre la signature 97 et l'entrée en vigueur 2005, on a le sentiment que la diplomatie climatique a progressé à une vitesse surprenante. Mais est-ce qu'il faut considérer ce résultat comme un succès de l'universalisme juridique qui serait enfin reconnu à travers l'idée que le climat est un bien commun de l'humanité, ou est-ce qu'il n'est pas plus conforme à la réalité de constater que la célérité tient sans doute d'abord aux interdépendances de fait que j'évoquais à propos des entreprises américaines et à la globalisation des risques, moins les idées que la force des choses. C'est pourquoi il me paraît nécessaire d'aborder la question en termes plus concrets, en intégrant les différentes échelles de temps pour observer l'une de ces courses de vitesse qui me paraît les plus significatives entre le droit du commerce et le droit des droits de l'homme. Alors, je ne vais pas remonter très loin dans l'histoire, mais si on se place dans l'après-guerre, dans l'immédiat après-guerre, on a le sentiment que les deux processus d'internationalisation se mettent en place simultanément. On a la libération des échanges par les accords du GATT, 1947, et l'idée d'une protection universelle des droits de l'homme avec la déclaration précisément universelle de 1948. Mais le démarrage est lent d'un côté comme de l'autre, parce que on n'arrive pas à créer, malgré les accords du GATT, l'Organisation internationale du commerce qui était prévue par la charte de La Havane. Cette charte n'est jamais entrée en vigueur. Et finalement, le pilier du commerce va s'élever lentement à partir d'accords provisoires du GATT. Quant aux droits de l'homme, la déclaration, comme son nom l'indique, est sans effet contraignant. Et les droits fondamentaux dont l'universalisme supposait l'indivisibilité vont être affaiblis, je l'ai déjà dit souvent, par leur division en deux instruments juridiques différents, les deux pactes de 1966, affaiblis aussi par l'absence de véritables mécanismes juridictionnels de contrôle. Donc, un point de départ qui peut sembler assez proche. Et pourtant, l'évolution qui suit sera nettement différente entre le niveau, et c'est là qu'on voit réapparaître nos niveaux d'organisation, entre le niveau mondial et le niveau européen. Alors, au niveau mondial, les rythmes de transformation ne sont pas du tout les mêmes. On observe une sorte de persistante lenteur du côté des droits de l'homme, alors qu'il y a une nette accélération du côté du commerce, à partir de la fin de la guerre froide et surtout à partir de la création de l'OMC en 1994. En matière des droits de l'homme, il ne faut pas croire que la lenteur est le vide juridique. Il y a des procédures qui fonctionnent, générales et thématiques. Il y a une commission des droits de l'homme, un comité des droits de l'homme pour les pays qui ont accepté sa compétence. Mais il y a une absence de sanctions, de véritables contrôles juridictionnels qui fragilisent le contrôle. Le contrôle ne peut pas être appelé juridictionnel. Cette fragilité n'est d'ailleurs compensée par aucune des tentatives récentes, ni par la création d'un haut commissariat aux droits de l'homme en 1993, ni par la jurisprudence de la Cour internationale de justice, qui alterne des prudences sans doute excessives dans certains cas concrets, et puis des coups d'épée dans l'eau. Je cite mon collègue Emmanuel Decaux dans un article assez critique qu'il vient de publier sur la Cour internationale de justice et les droits de l'homme, où il dit « Cette jurisprudence est contradictoire et décevante. En tout cas, elle ne réussit pas à accélérer un processus qui reste figé, on pourrait dire gelé, par la résistance des États. » En revanche, à partir de la création de l'OMC par les accords de Marrakech, l'espace juridique commercial mondial se réalise. On n'en est plus au stade des discussions, mais au stade de la réalisation. Il est en pleine expansion, car l'OMC ne cesse d'attirer de nouveaux adhérents. Je rappelle que la Chine est entrée en 2001, candidature actuelle de la Russie. Donc expansion, mais également accélération, à tel point que les premiers commentateurs de l'OMC semblent avoir été pris de court par la vitesse d'accélération qui semble tenir en réalité à la création d'un organe permanent d'appel qui est quasi juridictionnel, même s'il n'emporte pas le nom de juridiction. Cet organe est entré en fonction dès 1995 et il a traité très vite un nombre important d'affaires. Son premier rapport annuel vient d'être publié en 2004. Il résume non seulement l'activité 2003, mais il présente en annexe un tableau chronologique de l'ensemble depuis l'origine. Et on peut constater qu'on a là une véritable jurisprudence avec des tendances, des lignes de force, donc tout un corpus juridique extrêmement solide. Ma collègue Hélène Ruiz-Fabry a souligné à plusieurs reprises, en marquant d'ailleurs qu'il y a à la fois à travers l'OMC la naissance d'une juridiction et la consolidation d'un droit, consolidation grâce à cette juridiction. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est interrogée sur le succès de l'OMC, qu'elle attribue à deux causes qui ont fort à voir avec notre débat sur les vitesses, car d'une part, l'une des causes, ce serait le fait que la procédure à l'OMC est enfermée dans des délais strictement définis. Donc on a là un processus d'accélération à travers des délais butoirs. En même temps, elle souligne que la procédure ne peut pas être bloquée. Il y a en quelque sorte la suppression du frein qui pourrait rester entre les mains des États et qui ne leur appartient plus parce que les mesures de rétorsion que les États peuvent appliquer sur la base des accords de l'OMC, ces mesures de rétorsion sont combinées avec un mécanisme de surveillance qui impose un principe d'équivalence. Donc les États ne peuvent pas surévaluer les mesures de rétorsion, ce qui aboutirait à bloquer les choses à cause de la surveillance multilatérale qui s'exerce. Autrement dit, on a un accélérateur avec les délais et on a enlevé le frein que pourraient constituer des mesures de rétorsion sans surveillance, surévaluées. Alors, si les États ont accepté au fond ce changement de vitesse du GATT à l'OMC, c'est sans doute parce qu'ils y voyaient un intérêt, des intérêts, à la fois économiques, politiques et juridiques, que la fin de la guerre froide avait en quelque sorte libéré. En effet, du point de vue économique, on s'accorde à dire que la stabilisation du système international du commerce permettrait aux États une gestion plus efficace en baissant les coûts de transaction et surtout en facilitant les stratégies de réciprocité qui permettent de traiter les nouveaux problèmes. Et puis politiquement, ce qui est très astucieux, c'est que le processus reste à base de négociations à l'occasion des cycles du commerce, donc il garde une nature partiellement diplomatique. Alors c'est assez compliqué parce qu'on aboutit à des réseaux d'accords par addition et par superposition d'instruments qui sont à la fois distincts et solidaires. C'est la figure que mon collègue Eisenman avait utilisée du millefeuille pour décrire ces accords. Et en même temps, ce qu'on observe, c'est que le dispositif de l'OMC n'oppose pas les États aux acteurs privés, en tout cas pas aux acteurs économiques privés, parce que les intérêts sont le plus souvent convergents. Il arrive même que l'État n'apparaisse que comme le porte-parole, en réalité, des intérêts privés. Ce qui peut expliquer que le dispositif soit mieux toléré que celui des droits de l'homme, car celui des droits de l'homme oppose de façon beaucoup plus frontale les victimes aux États, au nom de principes supérieurs posés en surplomb, principes à vocation universelle. Alors, il y a un auteur qui a récemment, dans une revue de droit international économique, Journal of International Economic Law, Thomas Cottier, qui a essayé de comparer juridiquement, et pas seulement du point de vue politique et économique, les deux processus, commerce et droits de l'homme. Et il souligne que la culture juridique est différente, ce qu'il appelle le top-down pour un des processus, de haut en bas, le processus droit de l'homme, et l'autre processus pour le commerce, c'est l'inverse, c'est bottom-up, de bas en haut. Donc deux cultures juridiques différentes, et lui il considère, je pense qu'il faudra nuancer un petit peu par la suite, que la culture des droits de l'homme exclurait ce qui est très efficace dans la culture du commerce, c'est le processus de régulation progressive et la méthode inductive qui aurait assuré en fait une partie du succès juridiquement du droit du commerce. En tout cas, on comprendrait ainsi que l'écart se creuse entre l'espace commerce et l'espace droit de l'homme. Et pourtant, le phénomène ne semble pas inéluctable si on observe simultanément ce qui se passe au niveau régional et en particulier au niveau européen. Là, on a l'impression que la course se joue autrement et que les courbes de vitesse sont presque inversées. Car au niveau européen, on peut dire que dans l'immédiate après-guerre, l'écart entre commerce et droits de l'homme est très net. L'immédiat après-guerre, c'est l'échec de la construction politique qui avait été tentée dans le cadre du Conseil de l'Europe avec le statut de Londres en 1949. Et c'est dans les années 50, la communauté charbon-acier, puis la communauté économique européenne et l'Euratom. Donc il s'agit là, comme plus tard à l'OMC, d'un double processus d'expansion et d'accélération dans le domaine économique. On va combiner l'expansion géographique, on commence à 6 et puis 9, 10, etc., avec la fameuse méthode des petits pas, c'est-à-dire d'une accélération progressive par le jeu d'engrenages successifs qui conduisent jusqu'au fameux traité constitutionnel de 2004. Alors, je ne vais pas anticiper ici sur l'avenir, mais je dirais que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de blocage majeur. Comme le souligne Denis Simon dans son manuel sur le système juridique communautaire, la construction des communautés européennes constituait une rupture par rapport aux expériences précédentes à la priorité du politique et substituait, dit-il, la priorité de l'économique à l'approche globale et instantanée et préférait l'approche sectorielle et progressive. Mais en même temps, est mis en place un formidable instrument juridique à la fois de stabilisation dans l'espace, mais aussi d'accélération dans le temps, qui tient à la création d'organes juridictionnels de contrôle, la Cour de justice des communautés, puis par la suite le tribunal de première instance. Alors, secondé par les juges nationaux, en raison de l'applicabilité directe du droit communautaire et grâce à un système de questions préjudicielles, les juges européens vont contribuer à l'émergence de principes comme la primauté du droit communautaire ou la non-discrimination entre États membres, qui vont accélérer le passage d'une coopération horizontale par entrecroisement international à une intégration verticale, supranationale, harmonisation voire unification. En revanche, du côté du Conseil de l'Europe, le projet politique va s'enliser Alors, bien sûr, il y a l'adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en 1950, qui d'emblée prévoit un mécanisme de recours juridictionnel avec la Commission et la Cour de Strasbourg. Mais c'est une belle au bois dormant, pour reprendre la belle expression utilisée dans un colloque récent pour le 50e anniversaire de la Convention, par un membre de la Chambre des Lords, Lord Lester of Herne Hill, qui décrit cette belle au bois dormant qui a tardé à s'éveiller. Alors c'est vrai que le premier signataire, dès 1951, a été le Royaume-Uni. Mais il faut attendre le Human Rights Act de 1998, qui n'est entré en vigueur qu'en 2000, pour que les juges anglais puissent vraiment s'emparer de l'instrument et l'appliquer directement dans leurs décisions. Pour ce qui est de la France, vous connaissez l'histoire, il a fallu attendre près de 25 ans, 1974, pour voir ratifier un texte à l'élaboration duquel des Français avaient pourtant activement participé. Et il faut encore un septennat et un changement de majorité pour qu'en 1981 seulement, nous acceptions le recours individuel. La première condamnation de la France à Strasbourg, c'est 1986. Alors, au départ, on comprend que ce dispositif de contrôle des droits de l'homme présente beaucoup de handicaps. De nature politique, la non-ratification, mais aussi de nature matérielle. Les États ne sont pas très prêts à donner beaucoup de moyens aux juges pour ensuite que ces juges les condamnent pour violation des droits de l'homme. Ils donnent plus de moyens à Luxembourg qu'à Strasbourg. Et puis des obstacles juridiques qui sont soulignés encore aujourd'hui. Je pense à l'intervention du premier président de la Cour de cassation française, Guy Canivet, dans un ouvrage récent sur la réforme de la Convention européenne, où il compare à l'esprit de coopération créé à Luxembourg par le recours préjudiciel, le climat de méfiance ou même d'opposition à l'encontre du dispositif de Strasbourg, qui est perçu, dit-il, par le juge national comme un désaveu. Avoir une affaire condamnée à Strasbourg, c'est une atteinte à l'autorité, en tout cas c'est vécu par le juge national comme une atteinte à son autorité, comme une sanction. Et pourtant, les choses ont évolué. Et la Commission et la Cour des droits de l'homme ont réussi, peu à peu, à surmonter une partie de ces handicaps, peut-être parce que Jean-Paul Costa, le juge français actuellement à la Cour, appelle un mélange d'audace et de retenue. En tout cas, l'espace juridique des droits de l'homme a réussi à rattraper l'espace juridique du commerce au niveau européen. Il a gardé son avance géographique, puisqu'au départ, il y avait 6 membres des communautés européennes et 15 adhérents à la Convention des droits de l'homme. À l'heure actuelle, on en est à 25 membres pour l'Union européenne et 46 adhérents à la Convention des droits de l'homme. Mais surtout, en termes de contentieux, la Cour des droits de l'homme avait rendu son premier arrêt en 1960. Entre 60 et 98, la grande réforme qui va supprimer le filtre de la Commission, on compte un peu plus de 800 arrêts. Alors qu'en 2 ans, de 98 à la célébration du cinquantenaire en 2000, la nouvelle Cour avait déjà rendu presque autant d'arrêts que pendant la période précédente, 691. Et l'accélération se poursuit depuis, de telle sorte qu'en 2001, la Cour a prononcé 888 arrêts. Si on compare avec la Cour de justice de Luxembourg, 240 arrêts. À tel point que maintenant on s'en inquiète, le président de la Cour des droits de l'homme considère que les statistiques sont préoccupantes et même excessives, et il plaide en faveur de la réforme procédurale qui d'ailleurs devrait entrer en vigueur avec le protocole numéro 14. Mais du point de vue qui nous concerne ici, les vitesses de transformation, alors on peut se demander comment expliquer une telle différence entre le niveau mondial et le niveau régional. Une des clés réside sans doute, ici encore, dans la mise en place d'un dispositif de contrôle juridictionnel qui existe à l'échelle européenne pour les droits de l'homme et pas à l'échelle mondiale. Or, c'est peut-être pas inutile de se souvenir que ce dispositif a failli ne jamais voir le jour. Quand Pierre-Henri Tégène a présenté à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le projet de convention, ce projet a été adopté en commission avec seulement une voix de majorité. Et de fortes réserves exprimées non seulement par les Anglais, mais aussi par des Français comme Robert Schuman, qui jugeait inutile de soulever la question des droits de l'homme au niveau européen, Alors disait-il que les Nations Unies s'en occupent déjà. On avait rayé de l'ordre du jour, le comité des ministres avait rayé de l'ordre du jour le projet qui a été réintroduit in extremis et qui finalement a été adopté à une assez large majorité, 64 voix pour, une voix contre et 21 abstentions. Je crois que c'est une leçon de modestie aussi. Il ne faut pas vouloir tout parfaitement rationaliser et expliquer a posteriori. Il faut reconnaître une certaine part de hasard dans les transformations de nos sociétés. Une bifurcation aussi importante que le recours individuel qui permet à un individu de faire sanctionner un État, de faire condamner un État pour violation des droits de l'homme, a tenu finalement à très peu de choses, à la présence et à l'obstination d'une poignée de personnes qui devaient en outre passer auprès de leurs contemporains pour de doux rêveurs. On devait les appeler des utopistes totalement irréalistes. Pourtant, une fois la direction prise, l'accélération va être lente, comme on l'a vu, mais elle est continue. Et je pense qu'elle est favorisée par une sorte d'articulation souple entre le politique et le juridique. Car au fond, politiquement, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la force attractive du dispositif européen de protection des droits de l'homme est renforcée à partir de 1974, c'est-à-dire la date de ratification par la France. Il se trouve que la France était alors le dernier des pays membres des communautés européennes à ratifier la Convention. Cette ratification, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, j'y reviens, a permis de faire coïncider partiellement l'Europe du marché et l'Europe des droits de l'homme. À partir du moment où les 15 membres de la communauté économique européenne avaient tous adhéré au dispositif de la Convention des droits de l'homme, les deux dispositifs pouvaient être couplés. Et par la suite, l'entrée dans la communauté, qu'il s'agisse de la Grèce, puis de l'Espagne, du Portugal, puis les pays du centre et de l'est de l'Europe, sera conditionnée par l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, y compris l'acceptation du recours individuel devant la Commission, puis la Cour. D'où la transformation, je reprends la formule de ma collègue Catherine Tegenkolli, du club des démocraties en une école des démocraties. Et cela contribue sans doute au mouvement d'accélération. Ça, c'est la raison politique, mais je parlais d'une articulation du politique et du juridique, parce que le mode de raisonnement juridique va lui aussi évoluer. Il est décrit de façon peut-être un peu caricaturale comme déductif en matière de droits de l'homme par opposition à la méthode inductive qui facilite au contraire la montée en puissance du droit du commerce. Mais justement, le raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme s'est transformé pour s'adapter à la diversité des pratiques nationales et à la fameuse invention dont nous avons longuement parlé dans le cours de la marge nationale d'appréciation. Je dirais qu'au fond, la jurisprudence de la Cour combine assez habilement souplesse et créativité dans l'interprétation. Elle fait apparaître des catégories nouvelles, comme la notion de matière pénale, par exemple, qui permet d'étendre les garanties à tout un ensemble de sanctions punitives. Et alors, si l'autonomisation va de pair avec l'accélération, cela permet à l'espace européen des droits de l'homme de rejoindre l'espace du commerce, voire d'en guider l'orientation, comme en témoigne, par exemple, la référence à la Convention des droits de l'homme dans les traités européens de Maastricht et d'Amsterdam, puis l'adoption à Nice de la Charte des droits fondamentaux, qui est largement inspirée de la Convention européenne des droits de l'homme, et puis enfin, la référence dans le traité constitutionnel à une future adhésion de l'Union européenne à la Convention des droits de l'homme. Ce qui fait même que le Conseil de l'Europe commence à s'inquiéter. Je suis tombée récemment sur un article dans Le Monde du 3 mars dernier, dans lequel le Conseil de l'Europe marquait sa crainte de perdre sa spécificité au profit de l'Union en matière de droits de l'homme. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de rattrapage pour gagner la course, mais il s'agirait d'une véritable synchronisation entre les deux sphères juridiques. Et c'est maintenant ce que je voudrais essayer d'élargir en guise de réflexion plus générale. Voyons quelles pourraient être les conditions d'une synchronisation, puisque nous sommes partis de ces différentes vitesses, de ces phénomènes d'asynchronie. Alors, malgré ma méfiance à l'égard de la métaphore organique, l'exemple que je viens d'analyser me conduit quand même à proposer une notion d'articulation comme condition de la synchronisation. Pourquoi ? Parce que l'idée d'articulation, c'est de laisser du jeu dans la mise en œuvre d'une intégration normative. L'intégration normative ne peut pas se faire de façon trop rigide, et de bonnes articulations faciliteraient la synchronisation, faciliteraient les changements de vitesse. Alors que de mauvaises articulations bloqueraient tout mouvement. C'est un peu l'hypothèse que je voudrais développer devant vous. Mais alors, de quel type d'articulation s'agit-il ? On pourrait revenir d'abord sur l'idée d'une articulation des pouvoirs entre le politique, le juridique et l'économique. Il me semble que la comparaison qui précède nous a montré qu'en Europe, c'est une articulation assez souple entre les pouvoirs politiques, juridiques et économiques qui a permis d'éviter jusqu'à présent, encore une fois, je ne fais pas de prévision ni de pari sur l'avenir, mais jusqu'à présent, on a évité le blocage. Et même si l'avenir des droits de l'homme au sein de l'Union reste incertain, puisque seule l'entrée en vigueur de traités constitutionnels donnerait force juridique à la charte, il reste en toute hypothèse l'effet de synchronisation qui tient à une construction juridique bipolaire, rendue possible par les choix précédents, les choix politiques et économiques, qui ont fait partiellement coïncider les deux espaces normatifs. Les membres de l'Union ayant tous, comme je viens de le rappeler, adhéré à la Convention des droits de l'homme. Donc à première vue, l'expérience européenne semble démontrer qu'une telle articulation rend possible une synchronisation. Le problème, c'est que, à première vue aussi, cette expérience n'est pas directement transposable à l'échelle mondiale. Parce que là, la coïncidence des espaces normatifs semble totalement exclue. Il suffit de comparer l'empressement des États à adhérer à l'OMC à leur réticence à l'égard des pactes de l'ONU et des autres instruments de protection des droits de l'homme, y compris la Convention portant statut de la Cour pénale internationale. Alors, il est vrai qu'une coopération insuffisante avec le tribunal pénal de La Haye a entraîné le report des négociations d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, mais là, on repassait à l'échelle régionale, et de toute façon, il ne faut pas confondre les tribunaux ad hoc, compétences spécifiques et limitées, avec la Cour pénale internationale, seule cour permanente à vocation universelle. Mais précisément, le contexte politique actuel semble exclure simplement même l'idée de coupler la ratification de la Convention de Rome, la Cour pénale internationale, avec une candidature à l'OMC. Bien au contraire, qu'est-ce qu'on observe ? Des freins. Des freins au développement de la justice pénale internationale ont été mis en place, on l'a vu l'année dernière, par les États-Unis sous la forme d'accords bilatéraux assortis de sanctions pour les pays qui auraient l'audace de ratifier la Convention créant cette cour. Et pourtant, la petite espérance chère à Peggy n'a pas totalement disparu. Les récents développements à propos du Soudan montrent comment, peut-être, l'entrée en scène du juridique peut éviter un blocage complet du dispositif. La commission CASES, qui était chargée d'enquêter sur le Darfour, a abordé pour la première fois dans son rapport qui a été remis en janvier 2005 la question de l'opportunité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir le procureur de la Cour pénale internationale. Ce que fait la Commission, c'est de démontrer dans le rapport que les conditions juridiques d'une saisine sont toutes réunies. Quant à la nature des crimes, même si la Commission ne conclut pas au génocide, elle constate des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, dont la gravité, dit-elle, n'est pas moindre que celle du génocide. Et quant à la condition de complémentarité, le même rapport constate que le Soudan n'a pas la volonté et se trouve dans l'incapacité de mener à bien l'enquête et les poursuites. Autrement dit, la Commission peut recommander au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale en considérant que c'est la seule voie possible dès lors que le Soudan n'a pas ratifié la Convention. Il l'a signé mais il ne l'a pas ratifié et il n'est pas lui-même demandeur. Et pour essayer de convaincre le Conseil de sécurité, il faut lire ce rapport qui est assez volumineux mais qui est fort bien fait. Il y a toute une série d'arguments juridiques qui sont détaillés dans le rapport. Premier argument, les crimes menacent à l'évidence la paix et la sécurité. Ensuite, l'enquête et les poursuites sont quasiment impossibles sur place contre des personnes en position d'autorité contrôlant l'appareil d'État, alors que l'autorité de la Cour pénale pourrait convaincre les dirigeants et les chefs rebelles de se soumettre aux investigations. Ensuite, par sa composition internationale et par ses règles de procédure et de preuve, la Cour est seule à pouvoir garantir un procès équitable et en plus elle peut agir immédiatement et sans surcoût à la charge de la communauté internationale. Les deux dernières raisons, d'ailleurs, sont des arguments pour exclure la création d'un tribunal ad hoc, mise en œuvre plus lente et coût plus élevé. Alors, c'est précisément dans ce contexte très juridique que, après deux mois d'âpres discussions, le Conseil de sécurité, le 31 mars 2005, vient de décider de saisir la Cour pénale internationale. Ça montre quand même qu'une évolution est possible. La résolution a été votée par 11 voix et 4 abstentions, Algérie, Brésil, Chine, États-Unis. Et cette résolution, 1593, consacre la légitimité de la Cour, alors que la situation semblait politiquement bloquée par l'hostilité déclarée des États-Unis et par la position, disons, réservée de la Chine. Eh bien, le poids des arguments juridiques semble avoir joué un rôle de déblocage de la situation, d'autant plus important que les États-Unis avaient imprudemment eux-mêmes, par la voix de leur président, qualifié juridiquement les faits en parlant de génocide. Ne soyons pas triomphalistes pour autant, hein, c'est pas le triomphe du droit. Il y a un certain nombre de nuances. D'abord, même si le procureur dispose maintenant du rapport et de la liste des suspects qui a été établie par la commission, il n'a aucun moyen de contrainte directe. D'autant que les autorités soudanaises, pour refuser de coopérer, tentent de démontrer qu'elles vont elles-mêmes juger les faits. Donc on n'est pas au bout du processus. Et puis surtout, c'est le point le plus troublant dans la décision du Conseil de sécurité, la résolution comporte une clause d'exemption qui juridiquement est très contestable au profit des ressortissants d'État qui participent à des opérations au Soudan pour couvrir à la fois les soldats et les dirigeants qui seraient éventuellement responsables de ces crimes. Donc, c'est pas le triomphe du droit, mais c'est un premier pas. Simplement, si le droit pénal international peut ainsi contribuer à la synchronisation en introduisant un peu de jeu dans l'articulation du politique et du juridique, je pense que sa contribution reste et restera pour longtemps encore très modeste. Et l'effet en sera limité par les résistances opposées par les pays les plus puissants. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Mireille Delmas-Marty. Présentation Christine Goémé. Réalisation Jeanne Cherquefosse. chers auditeurs. Tous les jours, sur France Culture, votre têtresse, chercheuse. Il y a une certaine intimité qui se crée par la radio. Contoula. Une forme d'intimité, finalement. Chères auditrices, écoutez. Il y a une parole qui se déplace, qui change de média. Enregistrement. Réfléchir, penser, c'est pas forcément de la prétention ou de l'éliquide. Ça devrait être, justement, pour reprendre l'expression d'Antoine Garapon, le bien commun. Écoutez, vous êtes sur France Culture. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, les chemins de la connaissance à 11h30 nous propose cette semaine Ralentir travaux avec Philippe Descola. Après plusieurs années d'enquête ethnographique en Amazonie, Philippe Descola, qui enseigne au Collège de France, a été nommé à l'École des hautes études et a reçu la médaille d'argent du CNRS en 96 pour ses travaux d'anthropologie sur les usages et les connaissances de la nature dans les sociétés tribales. 11h fiction.